Sincérité, par André Rosé. En voyant de grandes ombres minces ramper jusqu'à elle et la dépasser, la pêcheuse de coq releva la tête malgré le fardeau qui lui écrasait les reins. Profilant leur silhouette sur le ciel clair où déclinait le soleil, une dame et un monsieur venaient à sa rencontre. Elle dit « Tiens, les Parisiens !» et continua de suivre sur le sable la piste multipliée depuis le matin par les pieds nus des pêcheurs. Il l'intriguait, ces gens riches qui n'étaient plus des jeunes mariés, et la saison finie s'attardait pourtant au Mont-Saint-Michel. Depuis le début d'octobre, on les rencontrait partout, sur les remparts, dans les venelles étroites, s'étageant au flanc du rocher, à la fontaine Saint-Aubert, dans le petit bois, sous l'abbaye, de préférence dans les lieux solitaires. Jacques, c'est la mère Irel. Pauvre femme, elle est toute courbée sous son sac. Bonjour, mère Irel. Est-ce que vraiment vous avez pris toutes ces coques aujourd'hui? Vous devez être bien fatiguée. » Sans poser sa charge, la vieille s'arrêta. « Dieu merci, c'est pas les coques qui manquent autour du mont. Ce serait bien pesant pour vous, qui êtes encore une jeunesse, mais moi j'ai l'habitude. J'ai même pas besoin d'une canne, comme vous, pour marcher. Alors, vous voilà encore parti? C'est-il que vous iriez jusqu'à Tomblaine? Il y a un bras d'eau à passer, vous allez gâter votre robe. Ma robe ne craint rien. Et d'ailleurs, nous suivrons seulement le cours du Couesnon. Il n'existe pas de sable mouvant par là, n'est-ce pas? L'Élise. C'est des vieilles histoires qu'on raconte comme ça. Il n'y a pas plus de danger que dans ma main. C'est plutôt la brume qu'il faut craindre. Il y en avait un peu au large un matin. Quand on est pris dedans, faut bien connaître la grève. Ça arrive en hiver ou ben en automne, comme nous v'là. Alors on sonne les cloches pour guider les pêcheurs qui ne sont pas rentrés. D'apparence que vous n'avez pas ça à Paris. Le monsieur se mit à rire. Tout compte fait, je crois qu'on est encore plus en sécurité au Mont-Saint-Michel. Allons, au revoir, mère Irel. Tu viens, Germaine? Ils repartirent à l'ombre des remparts, contournant la tour Boucle et la tour du Nord pour s'avancer dans l'immense baie, des airs humides où la mer n'était loin, très loin, qu'une ligne verdâtre à peine visible. À leur droite, le rocher dénudé de Tomblaine s'enlevait en taches noires devant la côte normande violacée. Leurs pieds nus claquaient sur le sable frais. Heureux de leur liberté, ils buvaient le grand espace ensoleillé, le silence que scandaient seuls les cris des mouettes et des cormorans lourds. Notre promenade tardive sur cette grève, qui ne peut être pour elle qu'un lieu de travail, doit étonner cette vieille, remarqua-t-il. J'en suis certaine. Les Montois comprennent les touristes en été, mais des gens qui s'attardent ici en octobre sans faire de la peinture. Nous devons passer pour deux phénomènes. Et pourtant, Jacques, c'est bien bon de se sentir ainsi retranché du monde. Je n'ai pas regardé un journal depuis 3 semaines. Quel repos, et comme cela rapproche. Elle lui prit le bras, gentiment. Il pencha la tête un peu en avant pour sourire à son sourire et mieux revoir, sous le béret de velours puce qu'il a coiffé. Son visage régulier de brune bien portante et son beau regard apaisé. Après 10 années de mariage, ils en étaient arrivés à cette affection amicale, polie par l'habitude, où un voyage agréable, des impressions neuves et partagées, font surgir, vivaces, les souvenirs de la lune de miel. Écoute, Jacques, si tu veux, nous ferons chaque année une petite escapade comme celle-ci. Il me semble que j'ai 20 ans. Justement, je te les donnais. Moi, je m'en sens 30 à peine. Tu n'as pas froid, au moins. Quand tu voudras ton manteau, ça te le gêne de le porter? Non, c'est pour rire. Je me sens gosse. J'ai envie de courir. Tiens, je parie que tu ne m'attrapes pas. Il s'élança derrière elle et 40 mètres plus loin, fit mine d'avoir perdu son monocle pour souffler. Secouée encore par son rire, elle remet en place, près de l'oreille, une mèche évadée de son béret. Tournée vers la côte, elle remarqua. « Je ne vous croyais pas si éloigné du mont. Regarde comme il paraît petit. C'est joli de rester avec ce brouillard qui en cache la base. On dirait que l'abbaye flotte dans l'espace. Qu'as-tu ? » Il fronçait les sourcils, l'air inquiet, le regard tendu. « Je n'avais pas vu cette brume. Elle s'est élevée des fonds baseux au bord du Couesnon, là-bas. Vois, elle cache les polders et la côte jusque vers le vivier. Tout à l'heure, on ne verra plus qu'en cale. Rentrons. »« Tu as peur ? » plaisanta-t-elle. « Non, je n'ai pas peur. Ce serait ridicule. Seulement, il est inutile de s'éterniser ici. Il fera nuit de bonne heure et ce brouillard n'est pas sain. Mets ton manteau, tu t'enrhumerais. » Ils marchèrent en silence et plus vite. « On n'aperçoit plus du tout le mont, Jacques. Je le sais bien. D'ici quelques minutes, Avranches aura disparu, et même toute la côte. Avance, tu piétines. Veux-tu t'appuyer sur mon bras? Merci, ce n'est pas la peine. Si j'avais su qu'il s'agissait d'une course. Une course, tu es extraordinaire. Est-ce ma faute si ce brouillard nous oblige à rentrer rapidement? Tu es toujours le même. Il était facile de te renseigner auprès de cette femme. Elle est du pays, elle connaît ça comme sa poche. Mais non, tu veux toujours tout savoir. C'est gai, on ne voit plus rien maintenant. Es-tu sûr de la direction au moins? Il s'arrêta, les tempes moites. Ne parle pas continuellement, tu me trompes. Oui, le sud doit être là. Comment doit être? Mais c'est épouvantable. Tu ne peux même plus t'orienter. Il n'y avait qu'à revenir en arrière. Où sont les traces de nos pas? Jetant sa canne sur le sable, il éclata. Est-ce que je sais, moi? Tu es là, tu me questionnes à tort et à travers. Nous avons marché au hasard, et maintenant? Le brouillard, déferlant sur la grève avec une incroyable rapidité, les submergeait. Autour d'eux, rien que le mystère énorme. C'est trop fort, cria-t-elle, prête à pleurer. Tout ça parce que tu es la frousse dès le début. Oui, la frousse, au lieu de rester calme, comme un homme ordinaire. Si j'avais su, moi, j'aurais fait attention, avec tes airs raffinés. Tu n'as jamais eu plus de courage qu'une poule mouillée. Et la mer qui monte ici, avec une vitesse terrible, mon Dieu, mon Dieu. Oh, assez, tu m'entends? Ce n'est pas au moment où j'ai besoin de toute ma tête, de tout mon sang-froid, que tu vas t'accrocher à moi et sangloter comme une idiote. Mais tu es plus pâle que moi. Si tu voyais comme tes lèvres tremblent. Poltron, va. Égoïste, c'est cela ton amour? Ce n'est pas beau une jolie femme devant la mort. Brute, un sale brute. La main tendue, l'oreille aux aguets, il tapa rageusement du pied. Mais tais-toi, tais-toi donc! Une sonnerie lointaine, cotonneuse, étouffée, leur parvenait du vide blanchâtre où se perdaient leurs regards inutiles. Les cloches, Germaine. La vieille l'a dit. Quand les pêcheurs ne sont pas rentrés, on sonne les cloches pour les guider dans la brume. Viens, viens vite! Il l'entraîna, suffoqué, machinal. Le même petit cercle estompé de sable pâle se déplaçait autour d'eux, et ils n'avaient pas l'impression d'avancer. Pourtant, les graves appels de bronze se précisaient, semblant monter dans le ciel. Brusquement, ils devinèrent devant eux des ombres humaines. « Hé là ! » cria un pêcheur. « C'est-y vous ? Faut être des Parisiens pour s'en aller comme ça, sans connaître la grève. Vous avez de la peine de vous en tirer sain et sauf, vous savez ?» Ils répondirent, souriant. « Oui, oui, ça va. » Mais ils savaient bien qu'ils laissaient derrière eux dans la brume quelque chose qu'ils ne retrouveraient plus. C'était Sincérité par André Rosé.